Chapitre 7e. Un instant, Denise était restée étourdie sur le pavé, dans le soleil encore brûlant de 5 heures. Juillet chauffait les ruisseaux, Paris avait sa lumière crayeuse d'été, aux aveuglantes réverbérations. Et la catastrophe venait d'être si brusque, on l'avait poussée dehors si rudement, qu'elle retournait au fond de sa poche ses 25,70 francs d'une main machinale, en se demandant où aller et que faire. Toute une file de fiacres l'empêchait de quitter le trottoir du Bonheur des Dames. Quand elle put se hasarder entre les roues, elle traversa la place Gaillon, comme si elle avait voulu gagner la rue Louis-le-Grand. Puis elle se ravisa, descendit vers la rue Saint-Roch. Mais elle n'avait toujours aucun projet, car elle s'arrêta à l'angle de la rue Neuve des Petits Champs, qu'elle finit par suivre, après avoir regardé autour d'elle d'un air indécis. Le passage Choiseul s'étant présenté, elle y entra, se trouva rue Monsigny sans savoir comment, retomba dans la rue Neuve-Saint-Augustin. Un grand bourdonnement emplissait sa tête. L'idée de sa malle lui revint à la vue d'un commissionnaire. Mais chez qui la faire porter et pourquoi toute cette peine, lorsqu'une heure plus tôt, elle avait encore un lit où coucher le soir? Alors, les yeux levés sur les maisons, elle se mit à examiner les fenêtres, des écriteaux, des filets. Elle les voyait confusément, sans cesse reprise par le branle intérieur qui l'agitait tout entière. Était-ce possible? Seule, d'une minute à l'autre, perdue dans cette grande ville inconnue, sans appui, sans ressources. Il fallait manger et dormir, cependant. Les rues se succédaient, la rue des Moulins, la rue Sainte-Anne. Elle battait le quartier, tournant sur elle-même, ramenée toujours au seul carrefour qu'elle connaissait bien. Brusquement, elle demeura stupéfaite. Elle était de nouveau devant le Bonheur des Dames. Et pour échapper à cette obsession, elle se jetait dans la rue de la Michaudière. Heureusement, Baudu n'était pas sur sa porte. Le vieil Elbeuf semblait mort derrière ses vitrines noires. Jamais elle n'aurait osé se présenter chez son oncle, car il affectait de ne plus la reconnaître, et elle ne voulait point tomber à sa charge dans le malheur qu'il lui avait prédit. Mais de l'autre côté de la rue, un écriteau jaune l'arrêta, chambre garnie à louer. C'était le premier qui ne le faisait pas peur, tellement la maison paraissait pauvre. Puis, elle la reconnut, avec ses 2 étages bas, sa façade couleur de rouille étranglée entre le Bonheur des Dames et l'ancien hôtel du Viard. Au seuil de la boutique de parapluies, le vieux Bourras, chevelu et barbu comme un prophète, des bécicles sur le nez, étudiait l'ivoire d'une pomme de canne. Locataire de toute la maison, il sous-louait en garni les 2 étages pour diminuer son loyer. « Vous avez une chambre, monsieur ?» demanda Denise, obéissant à une poussée instinctive. Il leva ses gros yeux embroussaillés, resta surpris de la voir. Toutes ces demoiselles lui étaient connues. Et il répondit, après avoir regardé sa petite robe propre, sa tournure honnête, « Ça ne fait pas pour vous. »« Combien donc ?» reprit Denise. « 15 francs par mois. » Alors elle voulut visiter. Dans l'étroite boutique, comme il la dévisageait toujours de son air étonné, elle dit son départ du magasin et son désir de ne pas gêner son oncle. Le vieillard finit par aller chercher une clé sur une planche de l'arrière-boutique, une pièce obscure où il faisait sa cuisine et où il couchait. Au-delà, derrière un vitrage poussiéreux, on apercevait le jour verdâtre d'une cour intérieure large de 2 mètres à peine. « Je passe devant, pour que vous ne tombiez pas, » dit Bourras, dans l'allée humide qui longeait la boutique. Il buta contre une marche, il monta en multipliant les avertissements. « Attention, la rampe était contre la muraille. » Il y avait un trou au tournant. Parfois, les locataires laissaient leur boîte à ordures. Denise, dans une obscurité complète, ne distinguait rien, sentait seulement la fraîcheur des vieux plâtres mouillés. Au premier étage, pourtant, un carreau donnant sur la cour lui permit de voir vaguement, comme au fond d'une eau dormante, l'escalier déjeté, les murailles noires de crasse, les portes craquées et dépeintes. « Si encore l'une de ces 2 chambres était libre, reprit Bourras, vous y seriez bien. » Mais elles sont toujours occupées par des dames. Au 2e étage, le jour grandissait, éclairant d'une pâleur crue la détresse du logis. Un garçon boulanger occupait la 1re chambre, et c'était l'autre, celle du fond, qui se trouvait vacante. Quand Bourras l'eut ouverte, il dut rester sur le palier pour que Denise pût la visiter à l'aise. Le lit, dans l'angle de la porte, laissait tout juste le passage d'une personne. Au bout, il y avait une petite commode de noyer, une table de sapin noirci et 2 chaises. Les locataires qui faisaient un peu de cuisine s'agenouillaient devant la cheminée où se trouvait un fourneau de terre. « Mon Dieu !» disait le vieillard. « Ce n'est pas riche, mais la fenêtre est gaie, on voit le monde dans la rue. » et comme Denise regardait avec surprise l'angle du plafond au-dessus du lit, où une dame de passage avait écrit son nom, Ernestine, en promenant la flamme d'une chandelle, il ajouta d'un air bonhomme « Si l'on réparait, on ne joindrait jamais les deux bouts. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai. »« Je serai très bien, » déclara la jeune fille. Elle payait un mois d'avance, demanda le linge, une paire de draps et deux serviettes, et fit son lit sans attendre, heureuse, soulagée de savoir où coucher le soir. Une heure plus tard, elle avait envoyé un commissionnaire chercher sa malle. Elle était installée. Ce furent d'abord deux mois de terrible gêne. Ne pouvant plus payer la pension de Pépé, elle l'avait repris et le couchait sur une vieille bergère prêtée par Bourrasque. Il lui fallait strictement 30 sous chaque jour, loyer compris, en consentant à vivre elle-même de pain sec pour donner un peu de viande à l'enfant. La première quinzaine encore, les choses marchèrent. Elle était entrée avec 10 francs en ménage, puis elle eut la chance de retrouver l'entrepreneur de cravate qui lui paya ses 18 francs 30. Mais ensuite, son dénuement devint complet. Elle eut beau se présenter dans les magasins, à la place Clichy, au Bon Marché, au Louvre. La morte saison arrêtait partout les affaires. On les renvoyait à l'automne. Plus de 5 000 employés de commerce, congédés comme elle, battaient le pavé sans place. Alors elle tâcha de se procurer de petits travaux. Seulement, dans son ignorance de Paris, elle ne savait où frapper, acceptait des besognes ingrates, ne touchait même pas toujours son argent. Certains soirs, elle faisait dîner Pépé tout seul, d'une soupe, en lui disant qu'elle avait mangé dehors. Il se mettait au lit, la tête bourdonnante, nourrie par la fièvre qui lui brûlait les mains. Lorsque Jean tombait au milieu de cette pauvreté, il se traitait de scélérat, avec une telle violence de désespoir qu'elle était obligée de mentir. Souvent, elle trouvait encore le moyen de lui glisser une pièce de 40 sous pour lui prouver qu'elle avait des économies. Jamais elle ne pleurait devant ses enfants. Les dimanches, où elle pouvait faire cuire un morceau de veau dans la cheminée, à genoux sur le carreau, les 3 pièces retentissaient d'une gaieté de gamin, insoucieux de l'existence. Puis, Jean retournait chez son patron, Pépé endormi, elle passait une nuit affreuse, dans l'angoisse du lendemain. D'autres craintes la tenaient éveillée. Les deux dames du premier recevaient des visites très tard, et parfois un homme se trompait, montait donner des coups de poing dans sa porte. Bourras, lui ayant dit tranquillement de ne pas répondre, elle s'enfonçait la tête sous l'oreiller pour échapper aux jurons. Puis, son voisin, le boulanger, avait voulu rire. Celui-là ne rentrait que le matin, la guettait, quand elle allait chercher son eau. Il faisait même des trous dans la cloison, la regardait se débarbouiller, ce qui la forçait à prendre ses vêtements le long du mur. Mais elle souffrait davantage encore des importunités de la rue, de la continuelle obsession des passants. Elle ne pouvait descendre acheter une bougie, sur ces trottoirs boueux où rôdait la débauche des vieux quartiers, sans entendre derrière elle un souffle ardent, des paroles crues de convoitise, et les hommes la poursuivaient jusqu'au fond de l'allée noire, encouragés par l'aspect sordide de la maison. Pourquoi donc n'avait-elle pas un amant? Cela étonnait, semblait ridicule. Il faudrait bien qu'elle succombât un jour. Elle-même n'aurait pu expliquer comment elle résistait, sous la menace de la faim et dans le trouble des désirs dont on chauffait l'air autour d'elle. Un soir, Denise n'avait pas même de pain pour la soupe de Pépé, lorsqu'un monsieur décoré s'était mis à la suivre. Devant l'allée, il devint brutal, et ce fut dans une révolte de dégoût qu'elle lui jeta la porte au visage. Puis, en haut, elle s'assit, les mains tremblantes. Le petit dormait. Que répondrait-elle s'il s'éveillait et s'il demandait à manger? Cependant, elle n'aurait eu qu'à consentir. Sa misère finissait, elle avait de l'argent, des robes, une belle chambre. C'était facile, on disait que tout en arrivait là, puisqu'une femme, à Paris, ne pouvait vivre de son travail. Mais un soulèvement de son être protestait, sans indignation contre les autres, répugnant simplement aux choses salissantes et déraisonnables. Elle se faisait de la vie une idée de logique, de sagesse et de courage. Bien des fois, Denise s'interrogea de la sorte. Une ancienne romance chantait dans sa mémoire, la fiancée du matelot que son amour gardait des périls de l'attente. À Valognes, elle fredonnait le refrain sentimental en regardant la rue déserte. Avait-elle donc, elle aussi, une tendresse au cœur pour être si brave? Elle songeait encore à Hutin, pleine de malaise. Chaque jour, elle le voyait passer sous sa fenêtre. Maintenant qu'il était second, il marchait seul, au milieu du respect des simples vendeurs. Jamais il ne levait la tête. Elle croyait souffrir de la vanité de ce garçon, le suivait des yeux, sans craindre d'être surprise. Et dès qu'elle apercevait Mouret, qui passait également tous les soirs, un tremblement l'agitait, elle se cachait vite, la gorge battante. Il n'avait pas besoin d'apprendre où elle logeait. Puis elle était honteuse de la maison. Elle souffrait de ce qu'il pouvait penser d'elle, bien qu'ils ne dussent jamais plus se rencontrer. D'ailleurs, Denise vivait toujours dans le branle du bonheur des dames. Un simple mur séparait sa chambre de son ancien rayon, et dès le matin, elle recommençait ses journées. Elle sentait monter la foule avec le ronflement plus large de la bande. Les moindres bruits ébranlaient la vieille masure collée au flanc du colosse. Elle battait dans ce pouls énorme. En outre, Denise ne pouvait éviter certaines rencontres. Deux fois, elle s'était trouvée en face de Pauline, qui lui avait offert ses services, désolée de la savoir malheureuse. Même, il lui avait fallu mentir, pour éviter de recevoir son amie ou d'aller lui rendre visite un dimanche chez Boger. Mais elle se défendait plus difficilement contre l'affection désespérée de Deloche. Il la guettait, n'ignorait aucun de ses soucis, l'attendait sous les portes. Un soir, il avait voulu lui prêter 30 francs, les économies d'un frère, disait-il, très rouge. Et ses rencontres la ramenaient au continuel regret du magasin, l'occupaient de la vie intérieure qu'on y menait, comme si elle ne l'avait pas quitté. Personne ne montait chez Denise. Une après-midi, elle fut surprise d'entendre frapper. C'était Colomban. Elle reçut debout. Lui, très gêné, balbutia d'abord, demanda de ses nouvelles, parla du vieil Elbeuf. Peut-être l'oncle Baudu l'envoyait-il, regrettant sa rigueur, car il continuait de ne pas même saluer sa nièce, bien qu'il ne pût ignorer la misère où elle se trouvait. Mais quand elle questionna nettement le commis, celui-ci parut plus embarrassé encore. Non, non, ce n'était pas le patron qui l'envoyait. Et il finit par nommer Clara. Il voulait simplement causer de Clara. Peu à peu, il s'enhardissait, demandait des conseils dans l'idée que Denise pouvait lui être utile auprès de son ancienne camarade. Vainement, elle le désespéra, en lui reprochant de faire souffrir Geneviève pour une fille sans cœur. Il remonta un autre jour. Il prit l'habitude de la venir voir. Cela suffisait à son amour timide. Sans cesse, il recommençait la même conversation, malgré lui, tremblant de la joie d'être avec une femme qui avait approché Clara, et Denise, alors, vécut davantage au bonheur des dames. Ce fut vers les derniers jours de septembre que la jeune fille connut la misère noire. Pépé était tombé malade, un gros rhume inquiétant. Il aurait fallu le nourrir de bouillon, et elle n'avait pas même de pain. Un soir, que, vaincue, elle sanglotait dans une de ces débâcles sombres qui jettent les filles au ruisseau ou à la Seine, le vieux Bourras frappa doucement. Il apportait un pain et une boîte à lait pleine de bouillon. « Tenez, voilà pour le petit, » dit-il de son air brusque. « Ne pleurez pas si fort, ça dérange mes locataires. » Et comme elle le remerciait, dans une nouvelle crise de larmes, « Taisez-vous donc. Demain, venez me parler. J'ai du travail pour vous. » Bourras, depuis le coup terrible que le bonheur des dames lui avait porté en créant un rayon de parapluie et d'ombrelle, n'employait plus d'ouvrière. Il faisait tout lui-même pour diminuer ses frais. Les nettoyages, les reprises, la couture. Sa clientèle, du reste, diminuait au point qu'il manquait de travail parfois. Aussi dut-il inventer de la besogne le lendemain, lorsqu'il installa Denise dans un coin de sa boutique. Il ne pouvait pourtant pas laisser mourir le monde chez lui. « Vous aurez 40 sous par jour, dit-il. Quand vous trouverez mieux, vous me lâcherez. » Elle avait peur de lui. Elle dépêcha son travail si vite qu'il fut embarrassé pour lui en donner d'autres. C'était des laits de soie à coudre, des dentelles à réparer. Les premiers jours, elle n'osait lever la tête, gênée de le sentir autour d'elle, avec sa crinière de vieux lion, son nez crochu et ses yeux perçants, sous les touffes raides de ses sourcils. Il avait la voix dure, les gestes fous, et les maires du quartier terrifiaient leurs marmots en menaçant de l'envoyer chercher, comme on envoie chercher les gendarmes. Cependant, les gamins ne passaient jamais devant sa porte, sans lui crier quelques vilainies, qu'il ne semblait même pas entendre. Toute sa colère de maniaque s'exhalait contre les misérables qui déshonoraient son métier en vendant du bon marché, de la camelote, des articles dont les chiens, disait-il, n'auraient pas voulu se servir. Denise tremblait quand il lui criait furieusement. « L'art est fichu, entendez-vous? Il n'y a plus un manche propre. On fait des bâtons, mais des manches, c'est fini. Trouvez-moi un manche et je vous donne 20 francs. » C'était son orgueil d'artiste. Pas un ouvrier à Paris n'était capable d'établir un manche pareil au sien, léger et solide. Il en sculptait surtout la pomme avec une fantaisie charmante, renouvelant toujours les sujets, des fleurs, des fruits, des animaux, des têtes, traitées d'une façon vivante et libre. Un canif lui suffisait. On le voyait les journées entières, le nez chaussé de besicles, fouillant le buis ou l'ébène. « Un tas d'ignorants, disait-il, qui se contentent de coller de la soie sur des baleines. Ils achètent leurs manches à la grosse, des manches tout fabriquées, et savons ce que ça veut, entendez-vous, l'art est fichu. » Denise, enfin, se rassura. Il avait voulu que Pépé descende y jouer dans la boutique, car il adorait les enfants. Quand le petit marchait à quatre pattes, on ne pouvait plus remuer, elle au fond de ce coin faisant des raccommodages, lui, devant la vitrine, creusant le bois à l'aide de son canif. Maintenant, chaque journée ramenait les mêmes besognes et la même conversation. En travaillant, il retombait toujours sur le bonheur des dames. Il expliquait sans se lasser où en était son terrible duel. Depuis 1845, il occupait la maison pour laquelle il avait un bail de 30 années, moyennant un loyer de 1800 francs. Et comme il rattrapait 1 000 000 de francs avec ses 4 chambres garnies, il payait 800 francs la boutique. C'était peu, il n'avait pas de frais, il pouvait tenir longtemps encore. À l'entendre, sa victoire ne faisait pas un doute, il mangerait le monstre. Brusquement, il s'interrompait. « Est-ce qu'ils en ont des têtes de chien comme ça ?» Et il clignait les yeux derrière ses lunettes pour juger la tête de dos qu'il sculptait, la lèvre retroussée, les crocs dehors, dans un grognement plein de vie. Pépé, en extase devant le chien, se soulevait, appuyait ses 2 petits bras sur les genoux du vieux. « Pourvu que je joigne les 2 bouts, je me moque du reste, » reprenait celui-ci en attaquant délicatement la langue de la pointe de son canif. « Les coquins ont tué mes bénéfices, mais si je ne gagne plus, je ne perds pas encore, ou peu de choses du moins. Et voyez-vous, je suis décidé à y laisser ma peau plutôt que de céder. » Il brandissait son outil, ses cheveux blancs s'envolaient sous un vent de colère. Cependant, risquait doucement Denise, sans lever les yeux de son aiguille, « s'il nous vous offrait une somme raisonnable, il serait plus sage d'accepter. » Alors son obstination féroce éclatait. « Jamais !» La tête sous le couteau, je dirais non, tonnerre de Dieu. J'ai encore 10 ans de bail, ils n'auront pas la maison avant 10 ans, lorsque je devrais crever de faim entre les 4 murs vides. 2 fois déjà, ils sont venus pour m'entortiller. Ils m'offraient 12 000 francs de mon fonds. Et les années à courir du bail, 18 000 francs, en tout 30 000. Pas pour 50 000, je les tiens, je vais les voir lécher la terre devant moi. 30 000 francs, c'est beau, reprenait Denise. Vous pourriez aller vous établir plus loin. S'ils achetaient la maison. » Bourras, qui terminait la langue de son dogue, s'absorbait 1 minute avec un rire d'enfant vaguement épandu sur sa face neigeuse de père éternel. Puis il repartait. La maison, pas de danger. Il parlait de l'acheter l'année dernière. Ils ont donné 80 000 francs, le double de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Mais le propriétaire, un ancien fruitier, un grenin comme eux, a voulu les faire chanter. Et d'ailleurs, ils se méfient de moi. Ils savent bien que je céderai encore moins. Non, non. J'y suis, j'y reste. L'empereur, avec tous ses canons, ne m'en délogerait pas. Denise n'osait plus souffler. Elle continuait de tirer son aiguille pendant que le vieillard lâchait d'autres phrases entrecoupées entre 2 entailles de son canif. Ça a commencé à peine. On verrait plus tard des choses extraordinaires. Il avait des idées qui balayeraient leur comptoir de parapluie. Et au fond de son obstination, rondait la révolte du petit fabricant personnel contre l'envahissement banal des articles de bazar. Pépé, cependant, finissait par grimper sur les genoux de Bourras. Il tendait, vers la tête de Dog, des mains impatientes. « Donne, monsieur. »« Tout à l'heure, mon petit, » répondait le vieux d'une voix qui devenait tendre. « Il n'a pas d'yeux. Il faut lui faire des yeux, maintenant. » Et tout en fignolant un œil, il s'adressait de nouveau à Denise. « Les entendez-vous » ronfla-t-il encore à côté. « C'est ça qui m'exaspère le plus, parole d'honneur, de les avoir sans cesse dans le dos avec leur sacrée musique de locomotive. » Sa petite table en tremblait, disait-il. Toute la boutique était secouée. Il passait ses après-midi sans un client, dans la trépidation de la foule qui s'écrasait au bonheur des dames. C'était un sujet d'éternel rabâchage. Encore une bonne journée, on tapait derrière le mur, la soirée avait dû faire 10 000 francs. Ou bien, il se gaudissait, le mur était resté froid, un coup de pluie avait tué la recette. Et les moindres rumeurs, les souffles les plus faibles, lui fournissaient ainsi des commentaires sans fin. « Tenez, on a glissé. Ah, s'ils pouvaient tous se casser les reins !»« Ça, ma chère, ce sont les dames qui se disputent. Tant mieux, tant mieux. Hein ? Qu'entendez-vous les paquets tombés dans les sous-sols ? C'est dégoûtant !» Il ne fallait pas que Denise discutât ses explications, car il rappelait alors amèrement la manière indigne dont elle avait congédié. Puis elle devait lui conter, pour la 100e fois, son passage aux confections, les souffrances du début, les petites chambres malsaines, la mauvaise nourriture, la continuelle bataille des vendeurs. Et tous deux, du matin au soir, ne parlaient ainsi que du magasin, le buvait à chaque heure dans l'air même qu'il respirait. « Donne, monsieur, » répétait ardemment Pépé, les mains toujours tendues. La tête de Dogue était finie. Bourras la reculait, l'avançait avec une gaieté bruyante. « Prends garde, il va te mordre. Là, amuse-toi. Et ne casse pas si c'est possible. » Puis, repris par son idée fixe, il brandissait le poing vers la muraille. « Vous avez beau pousser pour que la maison tombe. Vous ne l'aurez pas, quand bien même vous envahiriez la rue entière. » Denise, maintenant, avait du pain tous les jours. Elle en gardait une vive gratitude au vieux marchand, dont elle sentait le bon cœur sous les étrangetés violentes. Son vif désir était cependant de trouver ailleurs du travail, car elle le voyait inventer de petites besognes. Elle comprenait qu'il n'avait pas besoin d'une ouvrière dans la débâcle de son commerce, et qu'il l'employait par charité pure. 6 mois s'étaient passés, on venait de retomber dans la morte saison d'hiver. Elle désespérait de se caser en mars. Lorsqu'un soir de janvier, Deloche, qui la guettait sous une porte, lui donna un conseil. Pourquoi n'allait-elle pas se présenter chez Robineau, où on avait peut-être besoin de monde? En septembre, Robineau s'était décidé à acheter le fonds de Vinçart, tout en redoutant de compromettre les 60 000 francs de sa femme. Il avait payé 40 000 francs la spécialité de soie, et il se lançait avec les 20 000 autres. C'était peu, mais il avait derrière lui Gaujean, qui devait le soutenir par de longs crédits. Depuis sa brouille avec le bonheur des dames, ce dernier rêvait de susciter au colosse des concurrences. Il croyait la victoire certaine, si l'on créait dans le voisinage plusieurs spécialités où les clients trouveraient un choix très varié d'articles. Seuls les riches fabricants de Lyon, comme Dumonteil, pouvaient accepter les exigences des grands magasins. Ils se contentaient d'alimenter avec eux leur métier, quitte à chercher ensuite des bénéfices en vendant aux maisons moins importantes. Mais Gaujean était loin d'avoir les reins solides de Dumonteil. Longtemps simple commissionnaire, il n'avait des métiers à lui que depuis 5 ou 6 ans, et encore faisait-il travailler beaucoup de façonniers, auxquels il fournissait la matière première et qu'il payait tant du maître. C'était même ce système qui, haussant ses prix de revient, ne lui permettait pas de lutter contre Dumonteil pour la fourniture du Paris Bonheur. Il en gardait une rancune, il voyait en Robineau l'instrument d'une bataille décisive, livré à ces bazars des nouveautés qu'il accusait de ruiner la fabrication française. Lorsque Denise se présenta, elle trouva Madame Robineau seule, fille d'un piqueur des ponts et chaussées, absolument ignorante des choses du commerce. Celle-ci avait encore la gaucherie charmante d'une pensionnaire élevée dans un couvent de Blois. Elle était très brune, très jolie, avec une douceur gaie qui lui donnait un grand charme. Du reste, elle adorait son mari et ne vivait que de cet amour. Comme Denise allait laisser son nom, Robineau rentra et il la prit sur le champ, l'une des ceux-de-vendeuses l'ayant brusquement quitté la veille pour entrer au bonheur des dames. « Il ne nous laisse pas un bon sujet, » dit-il. « Enfin avec vous, je serai tranquille, car vous êtes comme moi, vous ne devez guère les aimer. Venez demain. » Le soir, Denise fut embarrassée pour annoncer à Bourras qu'elle le quittait. Il la traita en effet d'ingrate, s'emporta, puis lorsqu'elle se défendit, les larmes aux yeux, en lui faisant entendre qu'elle n'était pas dupe de ses charités, il s'attendrit à son tour, bégaya qu'il avait beaucoup de travaux, qu'elle l'abandonnait juste au moment où il allait lancer un parapluie de son invention. « Et Pépé ? » demanda-t-il. L'enfant était le grand souci de Denise. Elle n'osait le remettre chez Madame Gras, et ne pouvait pourtant le laisser seul dans sa chambre, enfermé du matin au soir. « C'est bon, je le garderai, » reprit le vieux. « Il est bien dans ma boutique, ce petit. Nous ferons la cuisine ensemble. » Et comme elle refusait, craignant de le gêner, « Tonnerre de Dieu, vous vous méfiez de moi ? Je ne le mangerai pas, votre enfant. » Denise fut plus heureuse chez Robineau. Il la payait peu, 60 francs par mois, et nourrit seulement, sans intérêt sur la vente, comme dans les vieilles maisons. Mais elle était traitée avec beaucoup de douceur, surtout par Madame Robineau, toujours souriante à son comptoir. Lui, nerveux, tourmenté, avait parfois des brusqueries. Au bout d'un mois, Denise faisait partie de la famille, ainsi que l'autre vendeuse, une petite femme poitrinaire et silencieuse. On ne se gênait plus devant elle, on causait des affaires à table dans l'arrière-boutique, qui donnait sur une grande cour. Et ce fut là qu'un soir, on décida l'entrée en campagne contre le bonheur des dames. Gaujean était venu dîner. Dès le rôti, un gigot bourgeois, il avait abordé la question de sa voix blanche de Lyonnais, épaissie par les brouillards du Rhône. « Ça devient impossible, » répétait-il. « Ils arrivent chez Dumonteil, n'est-ce pas ? Se réservent la propriété d'un dessin, emportent du coup 300 pièces, en exigeant une diminution de 50 centimes par mètre. et comme il paye comptant, il bénéficie encore de l'escompte de 18%. Souvent, Dumonteil ne gagne pas 20 centimes. Il travaille pour occuper ses métiers, car tout métier qui chôme est un métier qui meurt. Alors, comment voulez-vous que nous, avec notre outillage plus restreint, et surtout avec nos façonniers, nous puissions soutenir la lutte ? Robineau, rêveur, oubliait de manger. 300 pièces, murmura-t-il. Moi, je tremble quand j'en prends 12, il y a 90 jours. Ils peuvent afficher 1 franc, 2 francs meilleur marché que nous. J'ai calculé qu'il y a une baisse de 15% au moins sur leurs articles de catalogue quand on les compare à nos prix. C'est ce qui tue le petit commerce. Il était dans une heure de découragement. Sa femme, inquiète, le regardait d'un air tendre. Elle ne mordait point aux affaires, la tête cassée par tous ces chiffres, ne comprenant pas qu'on se donne un pareil souci, lorsqu'il était si facile de rire et de s'aimer. Pourtant, il suffisait que son mari voulût vaincre, elle se passionnait avec lui, serait morte à son comptoir. « Mais pourquoi tous les fabricants ne s'entendent-ils pas ensemble ?» reprit violemment Robineau. « Il leur ferait la loi, au lieu de la subir. » Gaujean, qui avait redemandé une tranche de gigot, mâché avec lenteur. « Ah, pourquoi, pourquoi ? Il faut que les métiers travaillent, je vous l'ai dit. Quand on a des tissages un peu partout, aux environs de Lyon, dans le Gard, dans l'Isère, on ne peut chômer un jour sans des pertes énormes. Puis, nous autres, qui employons parfois des façonniers ayant 10 ou 15 métiers, nous sommes davantage maîtres de la production au point de vue du stock, tandis que les grands fabricants se trouvent obligés d'avoir de continuels débouchés, les plus larges et les plus rapides possibles. Aussi sont-ils à genoux devant les grands magasins. Je reconnais 3 ou 4 qui se les disputent, qui consentent à perdre pour obtenir leurs ordres, et ils se rattrapent avec les petites maisons comme la vôtre. Oui, s'ils existent par eux, ils gagnent par vous. La crise finira, Dieu sait comment. C'est odieux, conclut Robineau, que ce cri de colère soulagea. Denise écoutait en silence. Elle était secrètement pour les grands magasins, dans son amour instinctif de la logique et de la vie. On se taisait, on mangeait des haricots verts de conserve. Et elle finit par se risquer à dire d'un air gai : Le public ne se plaint pas, lui. Madame Robineau ne put retenir un léger rire qui mécontenta son mari et Gaujean. Sans doute, le client était satisfait, puisqu'en fin de compte, c'était le client qui bénéficiait de la baisse des prix. Seulement, il fallait bien que chacun vécût. Où irait-on si, sous le prétexte du bonheur général, on engraissait le consommateur au détriment du producteur ? Et une discussion s'engagea. Denise affectait de plaisanter tout en apportant des arguments solides. Les intermédiaires disparaissaient, agents de fabrique, représentants, commissionnaires, ce qui entrait pour beaucoup dans le bon marché. Du reste, les fabricants ne pouvaient même plus vivre sans les grands magasins, car dès qu'un d'entre eux perdait leur clientèle, la faillite devenait fatale. Enfin, il y avait là une évolution naturelle du commerce. On n'empêcherait pas les choses d'aller comme elles devaient aller, quand tout le monde y travaillait, bon gré mal gré. « Alors vous êtes pour ceux qui vous ont flanqué à la rue ?» demanda Gaujean. Denise devint très rouge. Elle restait surprise elle-même de la vivacité de sa défense. Qu'avait-elle au cœur pour qu'une flamme pareille lui fût montée dans la poitrine ?« Mon Dieu, non, » répondit-elle. « J'ai tort, peut-être, car vous êtes plus compétent. Seulement, j'ai dit ma pensée. Les prix, au lieu d'être faits comme autrefois par 50aine de maisons, sont faits aujourd'hui par 4 ou 5, qui les ont baissés grâce à la puissance de leurs capitaux et à la force de leur clientèle. Tant mieux pour le public, voilà tout. » Robineau ne se fâcha pas. Il était devenu grave. Il regardait la nappe. Souvent, il avait senti ce souffle du commerce nouveau, cette évolution dont parlait la jeune fille. Il se demandait, aux heures de vision nette, pourquoi vouloir résister à un courant d'une telle énergie qui emporterait tout. Madame Robineau elle-même, en voyant son mari songeur, approuvait du regard Denise, retombée modestement dans son silence. « Voyons, reprit Gaujean pour couper court, tout ça c'est des théories, parlons de notre affaire. » Après le fromage, la bonne venait de servir des confitures et des poires. Il prit des confitures, les mangea à la cuillère, avec la gourmandise inconsciente d'un gros homme adorant le sucre. « Voilà, il faut que vous battiez en brèche leur pari bonheur, qui a fait leur succès cette année. » Je me suis entendu avec plusieurs de mes confrères de Lyon. Je vous apporte une offre exceptionnelle, une soie noire, une faille, que vous pourrez vendre à 5 francs 50. Ils vendent la leur 5 francs 60, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera 2 sous de moins, et cela suffit, vous les coulerez. » Les yeux de Robineau s'étaient rallumés. Dans son continuel tourment nerveux, il sautait souvent de la crainte à l'espoir. « Vous avez un échantillon ? » demanda-t-il. Et lorsque Gaujean eut tiré de son portefeuille un petit carré de soie, il acheva de s'exalter, il cria. « Mais elle est plus belle que le Paris Bonheur !»« En tout cas, elle fait plus d'effet. le grain est plus gros. Vous avez raison, il faut tenter le coup. Ah, tenez, je l'ai vu à mes pieds, où j'y resterai cette fois. » Madame Robineau, partageant cet enthousiasme, déclara la soie superbe. Denise elle-même crut au succès. La fin du dîner fut ainsi très gaie. On parlait fort, il semblait que le bonheur des dames agonisa. Beaujean, qui achevait le pot de confiture, expliquait quel sacrifice énorme lui et ses collègues allaient s'imposer pour livrer une pareille étoffe à si bon compte. Mais ils s'y ruineraient plutôt. Ils avaient juré de tuer les grands magasins. Comme on apportait le café, la gaieté fut encore accrue par l'arrivée de Vinçart. Il entrait en passant dire un petit bonjour à son successeur. « Fameux » cria-t-il en palpant la soie. « Vous les roulerez, je vous en réponds. Hein ? Vous me devrez une fière chandelle, je vous le disais bien. Il avait ici une affaire d'or. » Lui venait de prendre un restaurant à Vincennes. C'était un rêve ancien, nourri sournoisement tandis qu'il se débattait dans les soies, tremblant de ne pas trouver à vendre son fonds avant la débâcle, se jurant de mettre son pauvre argent dans un commerce où l'on pût voler à l'aise. Cette idée d'un restaurant lui était venue après la noce d'un cousin. La bouche allait toujours. On leur avait fait payer 10 francs de l'eau de vaisselle où nageaient des pâtes. Et, devant Robineau, sa joie de leur avoir mis sur les épaules une mauvaise affaire dont il désespérait de se débarrasser, élargissait encore sa face aux yeux ronds et à la grande bouche loyale qui crevait de santé. « Et vos douleurs ?» demanda obligeamment Madame Robineau. « Hein, mes douleurs » murmura-t-il étonné. « Oui, ces rhumatismes qui vous tourmentaient ici. » Il se souvint et il rougit légèrement. « Oh, j'en souffre toujours. Pourtant, l'air de la campagne, vous comprenez ?»« N'importe, vous avez fait une riche affaire. Sans mes rhumatismes, je me retire avec 10 000 francs de rente à mon 10 ans. Parole d'honneur. » 15 jours plus tard, la lutte s'engageait entre Robineau et le bonheur des dames. Elle fut célèbre, elle occupa un instant tout le marché parisien. Robineau, usant des armes de son adversaire, avait fait de la publicité dans les journaux. En outre, il soignait son étalage, entassait à ses vitrines des piles énormes de la fameuse soie, l'annonçait par de grandes pancartes blanches, où se détachait en chiffres géants le prix de 5 francs 50. C'était ce chiffre qui révolutionnait les femmes. Dessous de meilleur marché qu'au bonheur des dames, et la soie paraissait plus forte. Dès les premiers jours, il vint un flot de clientes. Madame Marty, sous le prétexte de se montrer économe, acheta une robe dont elle n'avait pas besoin. Madame Bourdelais trouva l'étoffe belle, mais elle préféra attendre, flairant sans doute ce qui allait se passer. La semaine suivante, en effet, Mouret, baissant carrément le pari bonheur de 20 centimes, le donna à 5 francs 40. Il avait eu, avec Bourdoncle et les intéressés, une discussion vive avant de les convaincre qu'il fallait accepter la bataille, quitte à perdre sur l'achat. Ces 20 centimes étaient une perte sèche, puisqu'on vendait déjà au prix coûtant. Le coup fut rude pour Robineau. Il ne croyait pas que son rival baisserait, car ses suicides de la concurrence, ses ventes à perte, étaient encore sans exemple. Et le flot des clientes, obéissant au bon marché, avait tout de suite reflué vers la rue Neuve-Saint-Augustin, tandis que le magasin de la rue Neuve-des-Petits-Champs se vidait. Gaujean accourut de Lyon, il eut des conciliabules effarés, on finit par prendre une résolution héroïque. La soie serait baissée, on la laisserait à 5 francs 30, prix au-dessous duquel personne ne pouvait descendre sans folie. Le lendemain, Mouret mettait son étoffe à 5 francs 20, et dès lors, ce fut une rage. Robineau répliqua par 5 francs 15, Mouret afficha 5 francs 10. Tous deux ne se battaient plus que d'un sou, perdant des sommes considérables chaque fois qu'ils faisaient ce cadeau au public. Les clients riaient, enchantés de ce duel, émus des coups terribles que se portaient les deux maisons pour leur plaire. Enfin, Mouret osa le chiffre de 5 francs. Chez lui, le personnel était pâle, glacé d'un tel défi à la fortune. Robineau, atterré, hors d'haleine, s'arrêta de même à 5 francs, ne trouvant pas le courage de descendre davantage. Ils couchaient sur leur position, face à face, avec le massacre de leurs marchandises autour d'eux. Mais si, de part et d'autre, l'honneur était sauf, la situation devenait meurtrière pour Robineau. Le bonheur des dames avait des avances et une clientèle qui lui permettaient d'équilibrer les bénéfices, tandis que lui, soutenu seulement par Gaujean, ne pouvant se rattraper sur d'autres articles, restait épuisé, glissait chaque jour un peu sur la pente de la faillite. Il mourait de sa témérité, malgré la clientèle nombreuse que les péripéties de la lutte lui avaient amenée. Un de ses tourments secrets était de voir cette clientèle le quitter lentement, retourner au bonheur après l'argent perdu et les efforts qu'il avait faits pour la reconquérir. Un soir même, la patience lui échappa. Une cliente, Madame de Bove, était venue voir chez lui des manteaux, car il avait joint un comptoir de confection à sa spécialité de soie. Elle ne se décidait pas, se plaignait de la qualité des étoffes. Enfin, elle dit « Leur Paris-Bonheur est beaucoup plus fort. » Robineau se contenait, lui affirmait qu'elle se trompait, avec sa politesse marchande, d'autant plus respectueux qu'il craignait de laisser éclater sa révolte intérieure. « Mais voyez donc la soie de cette rotonde, » reprit-elle, « on jurerait de la toile d'araignée. Vous avez beau dire, monsieur, leur soie 5 francs et du cuir à côté de celle-ci. » Il ne répondait plus, le sang au visage, les lèvres serrées. Justement, il avait imaginé le coup ingénieux d'acheter, pour ses confections, la soie chez son rival. De cette façon, c'était Mouret, ce n'était pas lui qui perdait sur l'étoffe, il coupait simplement la lisière. « Vraiment, vous trouvez le Paris-Bonheur plus épais ? » murmura-t-il. « Oh, 100 fois !» dit Madame de Boves, « il n'y a pas de comparaison. » Cette injustice de la cliente, dépréciant quand même la marchandise, l'indignait. Et comme elle retournait toujours la rotonde de son air dégoûté, un petit bout de la lisière bleu et argent, échappé au ciseau, parut sous la doublure. Alors il ne put se contraindre davantage, il l'avoua, il aurait donné sa tête. « Eh bien, madame, cette soie est du Paris Bonheur, je l'ai achetée moi-même, parfaitement, voyez la lisière. » Madame de Boves partit très vexée. Beaucoup de ces dames le quittèrent, l'histoire avait couru. Et lui, au milieu de cette ruine, lorsque l'épouvante du lendemain le prenait, ne tremblait que pour sa femme, élevée dans une paix heureuse, incapable de vivre pauvre. Que deviendrait-elle si une catastrophe le mettait sur le pavé avec des dettes? C'était sa faute, jamais il n'aurait dû toucher aux 60 000 francs. Il fallait qu'elle le consolât. Est-ce que cet argent n'était pas à lui comme à elle? Il l'aimait bien, elle n'en demandait pas davantage, elle lui donnait tout. Son cœur, sa vie. Dans l'arrière-boutique, on les entendait s'embrasser. Peu à peu, le train de la maison se régularisa. Chaque mois, les pertes augmentaient dans une proportion lente qui reculait l'issue fatale. L'espoir tenace les laissait debout. Ils annonçaient toujours la déconfiture prochaine du bonheur des dames. « Bah, disait-il, nous sommes jeunes aussi, nous autres. L'avenir est à nous. » « Et puis n'importe, si tu as fait ce que tu voulais faire, » reprenait-elle, « pourvu que tu te contentes, ça me contente, mon bon chéri. » Denis se prenait d'affection en voyant leur tendresse. Elle tremblait, elle sentait la chute inévitable. Mais elle n'osait plus intervenir. Ce fut là qu'elle acheva de comprendre la puissance du nouveau commerce et de se passionner pour cette force qui transformait Paris. Ses idées mûrissaient. Une grâce de femme se dégageait en elle de l'enfant sauvage débarqué de Valognes. Du reste, sa vie était assez douce, malgré sa fatigue et son peu d'argent. Lorsqu'elle avait passé la journée debout, il lui fallait rentrer vite, s'occuper de Pépé, que le vieux Bourras, heureusement, s'obstinait à nourrir. Mais c'était encore des soins, une chemise à laver, une blouse à recoudre, sans compter le tapage du petit dont elle avait la tête fendue. Elle ne se couchait jamais avant minuit. Le dimanche était son jour de grosse besogne. Elle nettoyait sa chambre, se raccommodait elle-même, si occupée qu'elle ne se peinait souvent qu'à 5 heures. Cependant, elle sortait quelquefois par raison, emmenait l'enfant, lui faisait faire une longue course à pied du côté de Neuilly. Et le régal était de boire, là-bas, une tasse de lait chez un nourrisseur, qui la laissait s'asseoir dans sa cour. Jean dédaignait ses parties. Il se montrait, de loin en loin, les soirs de semaine, puis disparaissait, en prétextant d'autres visites. Il ne demandait plus d'argent. Mais il arrivait avec des airs si mélancoliques que sa sœur, inquiète, avait toujours pour lui une pièce de 100 sous de côté. Son luxe était là. « 100 sous ? » criait chaque fois Jean. « Sacristi, tu es trop gentil. Justement, il y a la femme du papetier. Tais-toi !» interrompait Denise. « Je n'ai pas besoin de savoir. » Mais il croyait qu'elle l'accusait de se vanter. « Quand je te dis qu'elle est la femme d'un papetier, oh, quelque chose de magnifique !» 3 mois se passèrent. Le printemps revenait. Denise refusa de retourner à Joinville avec Pauline et Baugé. Elle les rencontrait parfois rue Saint-Roch, en sortant de chez Robineau. Pauline, dans une de ses rencontres, lui confia qu'elle allait peut-être épouser son amant. C'était elle qui hésitait encore. On n'aimait guère les vendeuses mariées au bonheur des dames. Cette idée de mariage surprit Denise. Elle n'osa conseiller son amie. Un jour que Colomban venait de l'arrêter près de la fontaine pour lui parler de Clara, celle-ci justement traversa la place. Et la jeune fille dut s'échapper, car il la suppliait de demander à son ancienne camarade s'il voulait bien se marier avec lui. Qu'avaient-ils donc tous? Pourquoi se tourmenter de la sorte? Elle s'estimait très heureuse de n'aimer personne. « Vous savez la nouvelle ?» lui dit un soir le marchand de parapluies comme elle rentrait. « Non, monsieur Bourras. » Eh bien, les gredins ont acheté l'hôtel du Viard. Je suis cerné. » Il agitait ses grands bras dans une crise de fureur qui hérissait sa crinière blanche. « Un micmac, à n'y rien comprendre, » reprit-il. « Il paraît que l'hôtel appartenait au Crédit Immobilier, dont le président, le baron Hartmann, vient de le céder à notre fameux Mouret. Maintenant, ils me tiennent à droite, à gauche, derrière. Tenez, voyez-vous, comme je tiens dans mon poing cette pomme de canne. » C'était vrai. On avait dû signer la cession la veille. La petite maison de Bourras, serrée entre le bonheur des dames et l'hôtel du Viard, accrochée là comme un nid d'hirondelle dans la fente d'un mur, semblait devoir être écrasée du coup le jour où le magasin envahirait l'hôtel, et ce jour était venu. Le colosse tournait le faible obstacle, le saignait de son entassement de marchandises, menaçait de l'engloutir, de l'absorber par la seule force de son aspiration géante. Bourras sentait bien l'étreinte dont craquait sa boutique. Il croyait l'avoir diminuée, il craignait d'être bu lui-même, de passer de l'autre côté avec ses parapluies et ses cannes, tant la terrible mécanique ronflait à cette heure. « Hein ? Les entendez-vous » criait-il, « si l'on ne dirait pas qu'ils mangent les murailles. Et dans ma cave, dans mon grenier, partout, c'est le même bruit de scie mordant le plâtre. N'importe, ils ne m'aplatiront peut-être pas comme une feuille de papier. Je resterai, quand il ferait éclater mon toit et que la pluie tomberait à seaux dans mon lit. » Ce fut à ce moment que Mouret fit faire à Bourras de nouvelles propositions. On grossissait le chiffre, on achetait son fonds et le droit au bail 50 000 francs. Cette offre redoubla la colère du vieillard. Il refusa avec des injures. Fallait-il que ces gredins volassent le monde pour payer 50 000 francs une chose qui n'en valait pas 10 000? Et il défendait sa boutique comme une fille honnête défend sa vertu au nom de l'honneur par respect de lui-même. Denise vit Bourras préoccupé pendant une quinzaine de jours. Il tournait fiévreusement, mettrait les murs de sa maison, la regardait du milieu de la rue avec des airs d'architecte. Puis un matin, des ouvriers arrivèrent. C'était la bataille décisive. Il avait l'idée téméraire de battre le bonheur des dames sur son terrain en faisant des concessions au luxe moderne. Les clientes, qui le reprochaient sa boutique sombre, reviendraient certainement quand elle l'avait réflambée toute neuve. D'abord, on boucha les crevasses et on badigeonna la façade. Ensuite, on repeignit les boiseries de la devanture en vert clair. Même, on poussa la splendeur jusqu'à dorer l'enseigne. 3 000 francs, que Bourras tenait de côté comme une ressource suprême, furent dévorés. D'ailleurs, le quartier était en révolution. On venait le contempler au milieu de ses richesses, perdant la tête, ne retrouvant pas ses habitudes. Il ne semblait plus chez lui, dans ce cadre luisant, sur ses fonds tendres, effarés avec sa grande barbe et ses cheveux. Maintenant, du trottoir d'en face, les passants s'étonnaient, à le regarder agiter les bras et sculpter ses manches. Il était galopé de fièvre, il craignait de salir, il s'engouffrait davantage dans ce commerce luxueux auquel il ne comprenait rien. Cependant, comme chez Robineau, la campagne contre le bonheur des dames était ouverte chez Bourras. Il venait de lancer son invention, le parapluie à godet, qui plus tard devait se populariser. Du reste, le bonheur perfectionna immédiatement l'invention. Alors la lutte s'engagea sur les prix. Il eut un article à 1,95 franc en zanella, monture acier, inusable, disait l'étiquette. Mais il voulut surtout battre son concurrent avec ses manches, des manches de bambou, de cornouiller, d'olivier, de myrte, de rotin, toutes les variétés de manches imaginables. Le bonheur, moins artiste, soignait l'étoffe, montait ses alpagas et ses mohairs, ses sergés et ses taffetas cuits. Et la victoire lui resta. Le vieillard désespéré répéta que l'art était fichu, qu'il en était réduit à tailler ses manches pour le plaisir, sans espoir de les vendre. « C'est ma faute » criait-il à Denise. « Est-ce que j'aurais dû tenir des saletés à 1,95 franc? Voilà où les idées nouvelles peuvent conduire. J'ai voulu suivre l'exemple de ces brigands, tant mieux si j'en crève. » Juillet fut très chaud. Denise souffrait dans son étroite chambre, sous les ardoises. Aussi, lorsqu'elle sortait de son magasin, prenait-elle Pépé chez Bourras. Et au lieu de monter tout de suite, elle allait respirer un peu au jardin des Tuileries jusqu'à la fermeture des grilles. Un soir, comme elle se dirigeait vers les marronniers, elle resta saisie. À quelques pas, marchant droit elle, il lui semblait reconnaître Hutin. Puis, son cœur battit violemment. C'était Mouret, qui avait dîné sur la rive gauche et qui se hâtait de se rendre à pied chez Madame Desforges. Au brusque mouvement que fit la jeune fille pour lui échapper, il la regarda. La nuit tombait, il la reconnut pourtant. « C'est vous, mademoiselle ?» Elle ne répondit pas, éperdue qu'il eût daigné s'arrêter. Lui, souriant, cachait sa gêne sous un air d'aimable protection. « Vous êtes toujours à Paris ?»« Oui, monsieur, » dit-elle enfin. Lentement, elle reculait. elle cherchait à saluer pour continuer sa promenade. Mais il revint lui-même sur ses pas. Il la suivit sous les ombres noires des grands marronniers. Une fraîcheur tombait, des enfants riaient au loin en poussant des cerceaux. « C'est votre frère, n'est-ce pas ? » demanda-t-il encore, les yeux sur Pépé. Celui-ci, intimidé par cette présence extraordinaire d'un monsieur, marchait gravement près de sa sœur, dont il tenait la main. « Oui, monsieur, » répondit-elle de nouveau. Elle avait rougi. Elle songeait aux inventions abominables de Marguerite et de Clara. Sans doute Moret compris la cause de sa rougeur, car il ajouta vivement. « Écoutez, mademoiselle, j'ai des excuses à vous présenter. Oui, j'aurais été heureux de vous dire plus tôt combien j'ai regretté l'erreur qui a été commise. On vous a accusé trop légèrement d'une faute. Enfin, le mal est fait. Je voulais seulement vous apprendre que tout le monde chez nous connaît aujourd'hui votre tendresse pour beau-frère. » Il continua, fut d'une politesse respectueuse à laquelle les vendeuses du bonheur des dames n'étaient guère habituées de sa part. Le trouble de Denise avait augmenté, mais une joie inondait son cœur. Il savait donc qu'elle ne s'était donnée à personne. Tous deux gardaient le silence, ils restaient près d'elle, réglant ses pas sur les petits pas de l'enfant, et les bruits lointains de Paris se mouraient sous les ombres noires des grands arbres. « Je n'ai qu'une réhabilitation à vous offrir, mademoiselle, » reprit-il. « Naturellement, si vous désirez rentrer chez nous... » Elle interrompit, elle refusa avec une hâte fébrile. « Monsieur, je ne puis pas, je vous remercie tout de même, mais j'ai trouvé ailleurs. » Il le savait. On lui avait appris depuis peu qu'elle était chez Robineau. Et tranquillement, sur un pied d'égalité charmante, il lui parla de ce dernier auquel il rendait justice. Un garçon d'une intelligence vive, trop nerveux seulement. Il aboutirait à une catastrophe. Gaujean l'avait écrasé d'une affaire très lourde où tous deux resteraient. Alors, Denise, gagnée par cette familiarité, se livra davantage, laissa voir qu'elle était pour les grands magasins, dans la bataille livrée entre ceux-ci et le petit commerce. Elle s'animait, citait des exemples, se montrait au courant de la question, remplie même d'idées larges et nouvelles. Lui, ravi, l'écoutait avec surprise. Il se tournait, tâchait de distinguer ses traits dans la nuit grandissante. Elle semblait toujours la même, vêtue d'une robe simple, le visage doux. Mais de cet effacement modeste montait un parfum pénétrant dont il subissait la puissance. Sans doute, cette petite s'était faite à l'air de Paris. La voilà qui devenait femme. Et elle était troublante, si raisonnable, avec ses beaux cheveux lourds de tendresse. « Puisque vous êtes des nôtres, » dit-il en riant, « pourquoi restez-vous chez nos adversaires ? Ainsi, ne m'a-t-on pas dit également que vous logiez chez ce Bourras ? Un bien digne homme, » murmura-t-elle. « Non, laissez donc un vieux toquet, un fou, qui me forcera à le mettre sur la paille lorsque je voudrais m'en débarrasser avec une fortune. D'abord, votre place n'est pas chez lui, sa maison est mal famée, il loue des personnes... » Mais il sentit la jeune fille confuse. Il se hâta d'ajouter « On peut être honnête partout. Il y a même plus de mérite à l'être quand on n'est pas riche. » Ils firent de nouveau quelques pas en silence. Pépé semblait écouter de son air attentif d'enfant précoce. Par moments, il levait les yeux sur sa sœur, dont la main brûlante, secouée de légers tressaillements, l'étonnait. « Tenez, » reprit gaiement Mouret, « voulez-vous être mon ambassadeur ? Demain, j'avais l'intention d'augmenter encore mon offre de faire proposer à Bourras 80 000 francs. Parlez-lui-en la première. Dites-lui donc qu'il se suicide. Il vous écoutera peut-être, puisqu'il a de l'amitié pour vous. Vous lui rendriez un véritable service. » « Soit, » répondit Denise, souriant elle aussi. « Je ferai la commission, mais je doute de réussir. » Et le silence retomba. Ni l'un ni l'autre n'avait plus rien à se dire. Un instant, il essayait de causer de l'oncle Baudu. Puis il dut se taire, en voyant le malaise de la jeune fille. Cependant, il continuait de se promener côte à côte. Ils débouchèrent enfin vers la rue de Rivoli, dans une allée où il faisait jour encore. Au sortir de la nuit des arbres, ce fut comme un brusque réveil. Il comprit qu'il ne pouvait la retenir davantage. « Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. » Mais il ne s'en allait pas. En levant les yeux, d'un coup d'œil, il venait d'apercevoir devant lui, au coin de la rue d'Alger, les fenêtres éclairées de Madame Desforges qui l'attendait. Elle avait reporté ses regards sur Denise. Il la voyait bien, dans le pâle crépuscule. Elle était toute chétive auprès d'Henriette. Pourquoi donc lui chauffait-elle ainsi le cœur? C'était un caprice imbécile. « Voici un petit garçon qui se fatigue, » reprit-il pour dire encore quelque chose. « Et rappelez-vous bien, n'est-ce pas, que notre maison vous est ouverte. Vous n'aurez qu'à y frapper. Je vous donnerai toutes les compensations désirables. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. » Quand Mouret l'eut quitté, Denise rentra sous les marronniers dans l'ombre noire. Longtemps elle marcha sans but, entre les troncs énormes, le sang au visage, la tête bourdonnante d'idées confuses. Pépé, toujours pendu à sa main, allongeait ses courtes jambes pour la suivre. Elle l'oubliait. Il finit par dire « Tu vas trop fort, petite mère ?» Alors elle s'assit sur un banc, et comme il était là, l'enfant s'endormit en travers de ses genoux. Elle le tenait, le serrait contre sa poitrine de vierge, les yeux perdus au fond des ténèbres. Lorsqu'une heure plus tard, elle revint doucement avec lui rue de la Michaudière, elle avait son tranquille visage de fille raisonnable. « Tonnerre de Dieu !» lui cria Bourras, du plus loin qu'il l'aperçut. « Le coup est fait. Cette canaille du Mouret vient d'acheter ma maison. » Il était hors de lui, il se battait tout seul, au milieu de la boutique, avec des gestes si désordonnés qu'il menaçait d'enfoncer les vitrines. « Ah, la crapule ! C'est le fruitier qui m'écrit. Et vous ne savez pas combien il l'a vendue, ma maison ? 150 000 francs, 4 fois ce qu'elle vaut. Encore un joli voleur, celui-là. Imaginez-vous qu'il a prétexté mes embellissements. Oui, il a fait valoir que la maison venait d'être remise à neuf. Est-ce qu'ils n'auront pas bientôt fini de se fiche de moi ?» Cette idée que son argent dépensé en badigeon et en peinture avait pu profiter au fruitier l'exaspérait. Et maintenant, voilà Mouret qui devenait son propriétaire. C'était à lui qu'il devrait payer. C'était chez lui, chez ce concurrent abhorré, qu'il logerait désormais. Une telle pensée achevait de le soulever de fureur. Je les entendais bien trouer le mur. À cette heure, ils sont ici, c'est comme s'ils mangeaient dans mon assiette. Et de son poing abattu sur le comptoir, il secouait la boutique, il faisait danser les parapluies et les ombrelles. Denise, étourdie, n'avait pu placer un mot. Elle restait immobile, attendait la fin de la crise, pendant que Pépé, très las, s'endormait sur une chaise. Enfin, quand Bourras se calma un peu, elle résolut de faire la commission de Mouret. Sans doute, le vieillard était irrité, mais l'excès même de sa colère, l'impasse où il se trouvait, pouvait déterminer une acceptation brusque. « Justement, j'ai rencontré quelqu'un, » commença-t-elle. « Oui, une personne du bonheur, et très bien informée. Il paraît que demain, on vous offrira 80 000 francs. » Il s'interrompit d'un éclat de voix terrible. « 80 000 francs, 80 000 francs, pas pour 1 000 000 maintenant !» Elle voulut le raisonner, mais la porte de la boutique s'ouvrit, et elle recula tout d'un coup, muette et pâle. C'était l'oncle Baudu, avec sa face jaune, l'air vieilli. Bourras saisit les boutons du paletot de son voisin, lui cria dans le visage, sans le laisser dire un mot, fouetté par sa présence. « Savez-vous qu'ils ont le toupet de m'offrir ? 80 000 francs, ils en sont là, les bandits, ils croient que je vais me vendre comme une fille. Ah, ils ont acheté la maison, et ils pensent me tenir. Eh bien, c'est fini, ils ne l'auront pas. J'aurais cédé peut-être, mais puisqu'elle est à eux, qu'ils essayent donc de la prendre. » Alors, la nouvelle est vraie, dit Baudu de sa voix lente. On l'avait affirmé, je venais pour savoir. 80 000 francs, répétait Bourras, pourquoi pas 100 000? C'est tout cet argent qui m'indigne. Est-ce qu'ils croient qu'ils me feraient commettre une coquinerie avec leur argent? Ils ne l'auront pas, tonnerre de Dieu, jamais, jamais, entendez-vous? Denise sortit de son silence pour dire de son air calme « Et ils l'auront dans 9 ans, quand votre bail sera fini. » Et malgré la présence de son oncle, elle conjura le vieillard d'accepter. La lutte devenait impossible, il se battait contre une force supérieure, il ne pouvait, sans démence, refuser la fortune qui se présentait. Mais lui répondait toujours non, dans 9 ans il espérait bien être mort pour ne pas voir ça. « Vous entendez, monsieur Baudu ?» reprit-il, « votre nièce est avec eux, c'est elle qu'ils ont chargée de me corrompre, elle est avec les brigands, parole d'honneur !» L'oncle, jusque-là, avait paru ne pas voir Denise. Il levait la tête, du mouvement bourru qu'il affectait sur le seuil de sa boutique chaque fois qu'elle passait. Mais lentement, il se tourna, il la regarda, ses grosses lèvres tremblèrent. « Je le sais, » répondit-il à demi-voix. Et il continuait à la regarder. Denise, touchée aux larmes, le trouvait bien changé par le chagrin. Lui, pris du sourd remords de ne l'avoir pas secouru, songeait peut-être à la vie de misère qu'elle venait de traverser. Puis, la vue de Pépé endormi sur la chaise, au milieu des éclats de la discussion, sembla l'attendrir. « Denise, » dit-il simplement, « entre donc demain manger la soupe avec le petit. Ma femme et Geneviève m'ont prié de t'inviter si je te rencontrais. » Elle devint très rouge, elle l'embrassa. Et lorsqu'il partit, Bourras, heureux de cette réconciliation, lui cria encore. « Corrigez-la, elle a du bon. Moi, la maison peut crouler, on me trouvera sous les pierres. »« Nos maisons croulent déjà, voisin, » dit Baudu d'un air sombre. « Nous y resterons tous. »